C'est alors qu'Ariste, le frère de Chrysale, apporte deux lettres qui annoncent respectivement à Philamète et à Chrysale de grosses pertes financières. Aussitôt, Trissotin renonce à se marier avec Henriette, à la différence de Clitandre. Mais Ariste avoue rapidement que les deux lettres étaient de fausses nouvelles pour démasquer Trissotin. Et Chrysale, pour conclure la pièce, s'adresse au notaire. « Allons, monsieur, suivez l'ordre que j'ai prescrit et faites le contrat ainsi que je l'ai dit. »